Bonjour, bienvenue au rendez-vous 19 de la fabrique d'admiration et d'impertinence du Quai, Centre dramatique national du CDN. Juste vous rappeler ce projet brièvement. Le projet de la fabrique, c'est un projet qui est porté par le Centre dramatique national, mais également par les deux universités, l'Université d'Angers et l'Université catholique de l'Ouest, un comité de pilotage composé de différentes personnalités des trois structures citées, réfléchit chaque saison à différents thèmes à traiter à l'occasion de dispositifs assez particuliers, comme vous allez pouvoir le constater également aujourd'hui. La Fabrique 19, joyeux anniversaire, point d'interrogation, je ne sais pas si on sentait l'interrogatif dans mon ton, et le dernier rendez-vous de la saison de la Fabrique pour le Quai. Donc avant de vous présenter celui-ci et les différents intervenants, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une saison 4 de la Fabrique d'admiration et d'impertinence, pour d'autres rendez-vous qui sont en lien à des temps forts du Quai, en lien à l'actualité ou en lien à rien du tout, juste au gré de nos envies au sein du comité de pilotage, mais en tout cas des thèmes assez variés, admirables et impertinents, on l'espère. On découvrira à l'occasion de la brochure 18-19 les différents thèmes pour l'année prochaine qui vous seront proposés. En tout cas, sachez que les rendez-vous restent gratuits, seront tous gratuits et sont pour la plupart ont l'ambition d'être des espaces de friction, de croisement entre paroles universitaires, paroles savantes et gestes artistiques. Aujourd'hui, pour fêter les anniversaires, juste vous rappeler qu'il s'agit d'une conférence performée que vous la proposons à l'occasion, en tout cas, ou plutôt c'est peut-être un prétexte, de différentes choses, à savoir les 70 ans de la décentralisation dramatique dont nous sommes issus en tant que centre dramatique ici, à l'occasion également des 10 ans du Quai, qui sont révolus, mais quand même, à l'occasion des 40 ans du CNDC, Centre National de Danse Contemporaine, avec qui nous partageons ce bâtiment, et enfin à l'occasion des 30 ans du Centre Dramatique National d'Angers, qui s'appelait avant le Nouveau Théâtre d'Angers, et évidemment, à l'occasion, j'ai envie de dire, des 50 ans de mai 68, et peut-être de vos anniversaires à vous, donc si c'est le cas, joyeux anniversaire. Et c'est le cas, bah, bravo, bah, vous n'êtes pas la seule, il y a aussi une autre dame qui m'a dit tout à l'heure que c'était son anniversaire. Donc comme quoi, voilà, il y a en tout cas suffisamment de prétextes, il me semble, pour faire cette fabrique. Avant de laisser la parole et de vous laisser vous réjouir, j'espère, de ces festivités, de ces différents anniversaires, je tenais à vous présenter les différents intervenants. Donc Christian Hellon, tout d'abord, qui est maître de conférences en psychologie des âges de la vie au sein de l'Université catholique de l'Ouest. Monsieur Jean-Claude Schmitt, qui est historien et directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, notamment. Et j'en profite pour vous présenter également les étudiants du Conservatoire régional d'art dramatique de la ville d'Angers, à savoir Emma Beauvalet, Benoît Castel, Léa Guillemet, Eva Abasque, Léo Le Breton, Maria Moret, Logan Nguyen et Clara Thibault, qui ont tous été dirigés pour l'occasion par leur enseignant professeur Stanislas Sofanor. Je tiens à remercier tout le monde ici pour son implication et adaptabilité à l'originalité de ce dispositif. Et on est ensemble environ pour une heure et demie, échange avec vous compris, bien sûr, qu'on a prévu à la fin des interventions. Et je vous souhaite une bonne conférence. Happy birthday to you. Happy birthday. birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Everybody, happy birthday! Le 19 mai 1962, Marilyn Monroe fêtait ainsi, avec 10 jours d'avance, les 45 ans de John Fitzgerald Kennedy. Elle mettait au fond d'une manière, elle rendait publique la liaison qu'ils avaient tous les deux. Et est-ce le fait de rendre publique cette liaison ou, comme le veut une légende, le fait d'avoir fêté l'anniversaire avec 10 jours d'avance, en tout cas, on peut dire que ça ne leur porta pas chance à l'un ni à l'autre, puisque quelques mois plus tard, au mois d'août, Marilyn Monroe décédait dans les conditions toujours non tout à fait élucidées que vous savez. Et puis un an après, John Fitzgerald Kennedy était, quant à lui, assassiné à Dallas. J'en profite pour faire remarquer que vous avez entendu la chanson dont Jean-Claude Schmitt nous rappellera des moments de l'histoire, Happy Birthday to You. Pour ma part, j'affectionne plus particulièrement celle que ma grand-mère aimait chanter lors des anniversaires familiaux. Cette chanson française des années 30, me semble-t-il, Joyeux anniversaire, nos voeux les plus sincères, et qui s'achève par cette belle phrase qui dit tout de l'anniversaire à mon sens, et que l'an fini, nous soyons tous réunis pour chanter en chœur bon anniversaire. Par rapport à l'Happy Birthday qui célèbre l'instant, le joyeux anniversaire et que l'on finit, nous soyons tous réunis, est une ritournelle qui retourne, qui montre le côté cyclique du retour de date anniversaire et qui surtout indique le vœu que l'on peut former à chaque anniversaire, à savoir que l'an prochain, nous soyons encore vivants. Sur quoi je passe la parole à Jean-Claude Schmitt, que je remercie chaleureusement d'avoir bien voulu faire le déplacement. Merci à vous, merci à Fabrique pour ce 19e rendez-vous. Et je suis très heureux d'être là avec vous et j'espère que nous pourrons discuter au terme, je crois, de cette rencontre, de ces questions liées à l'anniversaire que j'ai abordé pour ma part en historien. Je me suis en effet demandé, par exemple, à quand remonte cette chanson et à quand remonte plus encore cette petite cérémonie familiale, individuelle, amicale que l'on appelle célébrer l'anniversaire. Alors quand on entend cela, quand on voit aussi la diffusion mondiale aujourd'hui, et notamment de cette chanson en anglais, on se dit que les racines doivent être très anciennes et que certainement il y a là une très longue tradition. Eh bien, je me suis posé la question et donc j'ai creusé un petit peu le dossier pour me rendre compte que tout ceci était en fait extrêmement récent. La chanson en français, donc Joyeux anniversaire, mes voeux les plus sincères, etc., date même pas des années 30, mais de 1951. Happy Birthday, la mélodie date de 1893, les paroles de 1924. Vous voyez donc des traditions qui ont l'air anciennes et qui ne le sont pas. Alors, plongeant dans une durée beaucoup plus longue, alors que je m'interrogeais sur ce que sont les rythmes sociaux et aussi les rythmes individuels dans une société, ce que j'appellerais la société médiévale, mais ça n'a pas de sens, disons de l'Antiquité à aujourd'hui. Mais c'est vrai que je suis plutôt médiéviste de formation et de préoccupation habituelle. Je savais que anniversaire, ça avait un autre sens, en fait. Non pas la célébration de la naissance, reproduite chaque année, mais c'est un terme de la liturgie et qui concerne la commémoration des morts. Car pendant très longtemps, et en tout cas c'est le cas dans la civilisation chrétienne, médiévale, mais à l'époque moderne encore, et dans la liturgie aujourd'hui encore, dans la liturgie catholique, l'anniversarium, c'est la célébration de la mort d'un individu qui entre dans la vraie vie, c'est-à-dire la vie de l'au-delà. Et si cette personne ou ses proches ont fondé des messes, des aumônes, des prières, eh bien, tous les ans, à cette date-là, il y aura commémoration de cette personne, en principe perpétuellement, naturellement. Les hommes étant ce qu'ils sont, ils finissent par oublier eux aussi, et même cela. Voilà, donc c'est ça l'anniversaire. Et du coup, se poser un grand problème tout de suite. Comment peut-on basculer de la mort vers la vie? Comment se fait-il que, en tout cas en français, puisque ce n'est pas tout à fait le cas en anglais ou en allemand, par exemple, mais en français, c'est clair, comment peut-on passer d'un terme, avec le même terme, d'une signification funéraire à une signification, au contraire, joyeuse, liée à la célébration de l'anniversaire de la naissance. Donc, comment passe-t-on de la mort à la vie dans cette commémoration? Eh bien, pour cela, il a fallu des siècles et des siècles. Alors, très rapidement, peut-être, et puis après, on y reviendra, j'aurai un deuxième moment de parole, ça me permettra de préciser un petit peu certaines choses. Très rapidement, il y a eu dans l'Antiquité, et notamment dans l'Antiquité romaine, un anniversaire des empereurs. Mais les empereurs étaient dieux sur terre, c'était des dieux. Et quand le christianisme s'est implanté avec l'Église officielle au IVe siècle, à la fin du IVe siècle, disons, les grands auteurs de l'époque, comme saint Augustin et d'autres, ont décidé de repousser tout ce qui pouvait avoir trait à cette idolâtrie, à ce culte de l'empereur, dont l'anniversaire de l'empereur, qui était un véritable culte religieux païen. Et donc, tout ceci a été absolument banni pendant des siècles et des siècles. On en voit une très légère émergence, réémergence à l'époque carolingienne, mais qui n'a pas eu de lendemain. Et il faut attendre la fin du XIIIe siècle pour qu'en Italie, dans des milieux humanistes, se pose la question de savoir s'il n'était pas malgré tout légitime de célébrer, de marquer cette entrée ou ce rappel annuel de l'entrée dans la vie terrestre, voyez, contre tout l'usage liturgique de l'anniversaire funéraire et une dévalorisation et de la naissance à la vie terrestre et même au-delà du décompte des années, de l'âge, pendant très longtemps, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, on ignore son âge, on ignore sa date de naissance, à moins d'être vraiment très, très au sommet de la société. Et c'est donc à partir de cette fin du XIIIe siècle en Italie, puis ensuite au XIVe, XVe siècle, que cette préoccupation, mais ça ne veut pas dire célébration d'anniversaire, mais que cette préoccupation, cette attention à la naissance des individus et éventuellement à la reproduction tous les ans d'un souvenir de cette naissance commence à se préciser. Et puis on arrive alors à l'époque moderne où les choses deviennent un petit peu plus nettes. Alors avant d'en dire plus, peut-être que je remettrai ça tout à l'heure, avant d'en dire plus, je voudrais vous expliquer comment je suis venu en fait concrètement à ce travail qui a abouti à un petit livre de poche qui est là, qui s'appelle L'invention de l'anniversaire, justement. Je me suis, travaillant donc sur les rythmes sociaux de façon beaucoup plus générale, j'ai été amené à travailler sur un document tout à fait étonnant qui est un livre des costumes allemands de la région d'Augsbourg exactement, d'un personnage qui était, on dirait aujourd'hui, le directeur financier de la plus grande fortune marchande et financière, peut-être de l'Europe de cette époque, c'est-à-dire Fugger. Le nom ne vous est peut-être pas inconnu. Hein. Fugger, c'était celui qui prêtait à Charles Quint, qui n'avait pas le sou devant lui. Hein. Et ce personnage s'appelle Matthäus Schwarz. Et il a eu l'idée, un peu bizarre, nous semble-t-il, de se faire un livre des costumes, c'est-à-dire de demander à un artiste, quand il a eu 23 ans exactement, et d'ailleurs cela correspond à son anniversaire, mais il ne le dit pas. Mais à cet âge-là, il a eu l'idée de demander à un ami peintre de le peindre le jour de ses 23 ans, parce que ce jour-là, il s'est mis un nouveau costume, il s'est fait faire un costume. Et puis chaque fois qu'ensuite, il a changé de costume, de la même façon, il demandait à ce peintre de le portraiturer. Et puis il s'est dit, les costumes, ça change. Il s'était rendu compte que les modes changeaient. Et il a demandé à son père, notamment sa mère était morte, mais il a demandé à son père comment on s'habillait avant. Et alors il est remonté dans le temps. Et il a fait placer au début de ce livre, les costumes, ce qu'il appelle son premier costume, c'est-à-dire sa mère enceinte, Et il dit, j'étais là. Ça, c'est mon premier costume. Et puis, ensuite, toujours à partir de ses souvenirs, il a voulu être dépeint comment il était bébé dans son berceau. Et puis, comment il était écolier. Assez rétif, d'ailleurs. Il voulait au pied ses cahiers. Il ne voulait pas aller à l'école. Et puis, il a rejoint donc, cet âge qu'il avait à ce moment-là, 23 ans. Et donc, dans cette fleur de jeunesse, n'est-ce pas, il se fait représenter. Et à partir de là, eh bien, tous les ans, il va suivre jusqu'à la fin de sa vie. Alors, je vous ai fait passer quelques-unes de ces images, parce qu'il y en a beaucoup plus, il y en a 130 en tout. Mais c'est extraordinaire, cette obsession du changement du costume et donc du rythme de la vie à partir du costume. Hein. En voici quelques-uns. Quand il a 33 ans, là, il abandonne son costume et il se fait représenter nu, de dos et de face. Et il dit, là, j'ai... Non, c'est pas 23 ans, c'est 29 ans un tiers, excusez-moi. Vous voyez, c'est marqué en dessous. Et 8 jours en plus. Ça ne correspond pas à son anniversaire, là. Mais il a cet âge-là. Et il dit, là, je suis dans la vérité de ma personne. Je n'ai plus de costume pour masquer les choses. Et d'ailleurs, je me sens un peu gras, j'ai des bourrelets, etc. Bon. Et puis, ça continue. Voilà, là, avec un ami. Et puis là, quand il se marie, assez tardivement, à 40 ans, il a une belle cape, etc. Il veut se faire représenter de dos parce qu'il trouve sa cape très jolie. Là, quand il devient plus âgé, il a eu un AVC, ce qu'on appelle aujourd'hui un AVC, en fait. Hein. Pendant plusieurs années, il était très diminué. Et ça, c'est la dernière image, quand il est très vieux et pas très loin de la mort, ce qu'il ne sait pas encore, naturellement. Alors, j'ai donc travaillé sur ce document et je me suis rendu compte que sur 130 images, il y en avait 13 qui correspondaient exactement à son anniversaire. Hein, parce qu'il donne la date, le jour, l'année, le mois, le jour, etc. Voilà. Et donc, c'est de ça que c'est parti. Je me suis dit, comment est-ce possible? Et pourtant, il n'a pas l'air de célébrer son anniversaire. Mais il connaît la date de sa naissance. Et alors, travaillons encore un peu plus, je me suis rendu compte qu'une des raisons pour lesquelles on pouvait, à cette époque, se préoccuper de la date de sa naissance, c'était l'astrologie. L'astrologie, qui est une vraie science à la fin du Moyen-Âge, qui est liée à l'astronomie, amène à connaître, à chercher, à connaître, à savoir sa date de naissance, non seulement le jour, mais même l'heure. Parce que tous les ans, on va pouvoir établir le thème astral de ce moment de la naissance, pas reproduit une année, deux années, etc. après. Et voilà qui change complètement la perception, finalement, de la vie individuelle et de la scansion de la vie. Alors, je vous montre encore un ou deux documents. Alors, celui-ci remonte un petit peu dans le temps. C'est au début du XIVe siècle, c'est-à-dire à ce moment où, précisément, en Italie notamment, là, on est à Avignon, mais c'est un milieu très italien, c'est la cour pontificale, n'est-ce pas ? On est en train de se préoccuper, justement, de cela. Et là, c'est un clerc qui s'appelle Opicinus, s'y a dessiné des diagrammes, des cartes, assez extraordinaires, et notamment ce diagramme qui représente 40 ans de sa vie. Tout est là. Alors comment, sous quelle forme? Eh bien, sous forme de 40 cercles concentriques du centre vers la périphérie, depuis sa date de naissance jusqu'à 40 ans. Chaque cercle étant une année. Et les rayons de ce cercle, eh bien, tournent de façon à ce que chaque position du rayon corresponde à un jour dans chaque année. Donc tous les jours de 40 ans sont représentés dans ce diagramme. Vous voyez un petit peu l'extraordinaire inventivité graphique, c'est absolument unique. Et il connaît sa date de naissance. Tous les ans, naturellement, il la retrouve à la même date, mais il ne célèbre pas, il ne parle pas de son anniversaire, ne le célèbre pas. Et pourtant, tous les éléments sont là, vous voyez, pour le faire. Alors voilà comment, historiquement, les choses se présentent, vous voyez, dans beaucoup de phénomènes, mais là notamment. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments qui doivent, à un moment, se coaliser, se rencontrer, pour que cela puisse déboucher sur l'anniversaire de la naissance. Peut-être que je dois m'arrêter là pour l'instant. Et je vous laisse donc sur une question. Eh bien alors, depuis quand ? Depuis quand fête-t-on son anniversaire comme nous fêtons notre anniversaire ? Voilà, vous avez le temps de réfléchir jusqu'à tout à l'heure. En 1968, il y a 50 ans. Mesdames et messieurs, la première raison d'être de cette maison de la culture, c'est que tout ce qui se passe d'essentiel à Paris doit se passer aussi à Grenoble. La culture est le domaine des transmissions des valeurs. Une civilisation sans valeurs ne serait pas une civilisation. Ce serait une société d'infusoires. Non. Okay. Non, mais franchement, les filles, ça marche pas, là. Enfin, je suis d'accord avec l'idée, vraiment. Mais ça veut dire quoi, infusoire? On prend rien, enfin. Moi, personnellement, si je reste pas trois plombs sur chaque phrase, bah, Malraux, je piche pas. Non, mais Logan, ce qui compte avec Malraux, c'est le souffle. C'est la force avec laquelle tu t'empares du texte. Du coup, Eva, là, il manquait un truc. Ça va, là? C'est pas parce que je le dis avec force ou en soufflant qu'on va mieux comprendre le mot infusoire, hein. Attends, donc ça veut dire que toi aussi, ça te saoule qu'on bosse sur ce texte-là? Mais non, je suis d'accord, c'est un texte important. Bah oui, mais à ce moment-là, Neka, vous me le dites, on a qu'à dire qu'on s'en fout. Des gens qui nous ont donné accès au théâtre, à la culture, on en a rien à faire. Mais je viens de te dire que j'étais ok pour bosser le texte. N'empêche que c'est pas si simple, il a raison. Mais évidemment que c'est pas si simple, c'est un texte avec un haut niveau de langue. Vous voulez quand même pas célébrer la culture et le théâtre avec des dialogues de plus belle lettre? Non mais, ça veut dire quoi, infusoire alors? Mais j'en sais rien, tu fais comme tout le monde, tu demandes à Google. Mais tu vois, tu comprends même pas ce que tu racontes toi aussi. Mais j'ai pas besoin d'avoir la définition exacte du mot. Si Malraux te dit qu'une société sans valeur serait une société d'infusoire, ben je suppose qu'infusoire c'est pas cool, et voilà. Infusoire, animal unicellulaire vivant en suspension dans l'eau douce ou saumâtre. Bah voilà, si quelqu'un traite d'infusoire, tu peux t'énerver. On peut reprendre? Oui. Ok. Discours prononcé le 13 février 1968, il y a 50 ans. Attends, pourquoi tu dis il y a 50 ans? Dis le discours directement. Mais justement, parce qu'il y a 50 ans que ce discours a été tenu. Non mais Logan, c'est ce moment important du théâtre en France qu'on est en train de célébrer là. Eh, t'as vu qu'en 2018, c'est l'anniversaire de plein de trucs. Tu vois? L'abolition de l'esclavage, c'était il y a 170 ans. Les suffragettes en Angleterre, c'était il y a 110 ans. Mai 68, c'était il y a 50 ans. Gaston Lagaffe, c'était il y a 60 ans. Bon, on peut y aller là, c'est bon. Vous êtes relou. Oui. On y va là. Discours prononcé le 13 février 1968, il y a 50 ans. Mesdames et messieurs, la première raison d'être de cette maison de la culture, c'est que tout ce qui se passe d'essentiel à Paris doit se passer aussi à Grenoble. La culture est le domaine de transmission des valeurs. Une civilisation sans valeurs ne serait pas une civilisation, ce serait une société d'infusoires. Dans sa lutte contre la puissance des instincts, la culture n'est pas l'accumulation des valeurs du passé. Non, mais franchement, là, tu vois, c'est pas... Devant Lucie, devant Macbeth, devant Antigone, nous découvrons ce qui s'oppose au plus agissant langage des instincts. Ce sont les paroles qui ont triomphé de l'épreuve des siècles. L'œuvre la plus puissamment basse ne prévaut rien contre l'écho de ce que disait la petite princesse Thébaine au pied de l'Acropole. Je ne suis pas venue sur la terre pour partager la haine, mais pour partager l'amour. Eh, hey, vous faites quoi là? Quoi? Vous faites quoi là maintenant? Non mais enfin, comment ça est-ce qu'on fait? Non mais vous répétez quoi là? Le discours qu'a tenu Malraux il y a 50 ans pour l'inauguration de la Maison de la Culture de Grenoble. Alors franchement, c'est super les gars, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on avait prévu. Mais si, pourquoi? Bah, c'est l'anniversaire de Clara qu'on doit fêter. Qu'est-ce que Malraux y fait dans l'histoire? Mais justement, on s'est dit que Clara serait bien plus heureuse qu'on se réunisse tous ensemble au quai pour fêter la culture et le théâtre plutôt que le jour où on l'a sortie de sa mère. Mais, mais vous êtes des grands malades, c'est quoi cette idée de merde? Mais on en a marre des anniversaires! Grave! L'anniversaire de Clara, c'est déjà le 6e de l'année, franchement c'est chiant. Mais ouais, c'est toujours la même chose, une bougie par année. Le gâteau! On souffle, on applaudit. T'as fait un vœu? On chante joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Et quand on a de la chance, on recommence en anglais et en allemand. Zum Geburtstag, viel Glück. On pense qu'il vaut mieux célébrer les choses importantes. Voilà. Mais Clara, elle est importante pour nous. Oui, mais pas le jour où on l'a sortie de sa mère. Mais c'est une excuse pour lui montrer qu'on pense à elle. Il va falloir qu'on vous explique le principe des anniversaires ou ça va aller? Mais tu dis toi-même que c'est une excuse. Alors autant célébrer ce qu'il y a de plus important pour elle, non? Alors le plus important pour elle, c'est Malraux. Le plus important pour elle, c'est le théâtre. Alors on se sert de son anniversaire pour rendre hommage à tous ceux qui ont rendu la culture libre. Mais ça, attends. Si j'ai bien compris, au lieu de fêter son anniv, tu veux qu'on se déguise en Malraux et qu'on lui récite des discours. Exactement. Ou alors, ce qu'on fait, c'est qu'on récite seins nus avec des fleurs dans les cheveux. Comme ça, on rend hommage aux 50 ans de mai 68. Chaud. Ok, je suis sûre qu'on peut réussir à être d'accord. Nous, on veut faire l'anniversaire de Clara. Et vous, vous voulez rendre hommage à ceux qui ont rendu accessible la culture, la discrimination, les CDN, tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'elle aime le plus au théâtre, Clara? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, c'est quoi sa pièce préférée? Y a pas un rôle qu'elle connaît déjà par cœur? Si, Irina, dans Les Trois Sœurs. La pièce qu'on est venu voir au quai, là, en février. Ouais, elle adore cette pièce, on l'a joué au lycée ensemble. Mais attends, mais c'est parfait! La pièce commence avec l'anniversaire d'Irina. Ok, non, mais ce qu'on pourrait faire, on apprend le texte, elle arrive dans la salle, on reste tous à nos places, immobiles, et là, tac, on commence le texte de Tchekhov. On lui offre, comme cadeau surprise d'anniversaire, l'anniversaire d'Irina a joué avec ses potes de la promo du cons. J'ai rien compris. En gros, au lieu de lui faire un anniversaire normal, parce que vous êtes un peu... on lui fait un anniversaire théâtral. On lui joue l'acteur des transferts de Tchekhov, parce que c'est sa pièce préférée. Elle va reconnaître le texte, elle va s'insérer dedans, et tac, elle va faire Irina. Ça va trop lui faire plaisir, tu vois. Ouais, ok, non, ouais, c'est bon. Comme ça, on fait pas vraiment son anniversaire à Clara, elle, mais on utilise le texte de Tchekhov pour lui fêter son anniversaire. Et comme ça, plus personne ne pourra nous dire qu'on est soumis au conformisme bourgeois, là où je ne sais pas quoi encore. C'est pour moi que tu dis ça. Oh, Jean Moulin, ok, c'est clair pour tout le monde. Alors, on distribue, on apprend le texte et on répète, parce qu'elle va pas tarder à arriver, là. Ok, mais on fait comment pour que tout le monde soit d'accord au niveau de la distribution du texte? Mais il y en aura toujours un qui sera pas d'accord, donc on y va. Ouais, enfin, en même temps, il y en a marre de se taper des rôles de merde. Ah, moi, je fais tout le temps des vieux. Des vieux mecs. Bon, c'est pour l'anniversaire de Clara, c'est pas pour rentrer à la Comédie Française. Eh, hey, c'est facile pour toi de dire ça, t'as toujours les meilleurs rôles. Non, on s'engueule, on enchaîne. Attendez, c'est bon, j'ai tiré au sort. Ok, bon, Eva, tu joues Tuzenbach, ok? Eh bah, super. Léo, tu joues Tchibukiti. Yes, j'adore jouer des petits vieux. Ok, Maria, tu joues Natalia. Emma, tu fais Macha. Benoît, tu fais Verkinine. C'est un premier rôle. Ok, et du coup, Léa, tu fais Olga. Bim, allez, c'est moi qui fais Olga. Ouais, moi je fais Olga. Ok, c'est bon pour tout le monde? Pour rebondir sur cette création des apprentis comédiens du conservatoire, je voulais tirer quelques fils conducteurs. Le premier, c'est celui de la commémoration, puisque nous commémorons Malraux, les centres dramatiques nationaux, etc. Et je souhaitais surtout faire remarquer que nous sommes dans une culture, une époque, une société obsédée de mémoire. Le devoir de mémoire, l'archivage des données, la conservation muséale, les data, les big data, etc. La traçabilité dans le monde professionnel, la passion des récits de vie, les gens qui rédigent leur mémoire, me semblent être autant de symptômes, de signes de cette caractéristique de notre époque qui, effrayée de l'avenir perçu comme saturé de risques, ce qui explique les conduites de prévention dont nous sommes entourés, se replie sur parfois l'idéalisation du passé, en tout cas la nostalgie mémorielle, face à une temporalité du présent qui nous envahit sans cesse, l'urgence, la simultanéité, l'immédiateté. Cette obsession de la mémoire se manifeste donc, au-delà du devoir de mémoire et de tout ce que j'ai évoqué, au travers de cette fièvre commémorative, notamment étudié par un de vos collègues, cher Jean-Claude, William Johnston, un nord-américain qui a publié le culte des anniversaires, on aurait dû traduire par commémoration, et le bimillénaire, hein, il observe qu'aux arrivées des années 2000, les commémorations sont en période à nouveau de montée en puissance, et donc vous nous montrez que dans l'histoire, il y a des moments de reflux des anniversaires et des commémorations, et puis d'accentuation pour différentes raisons, notamment identitaires. vous l'avez indiqué aussi, le mot anniversaire en français renvoie à deux significations que l'anglais et l'allemand distinguent mieux. Le birthday ou le Geburtstag, c'est-à-dire l'anniversaire de naissance de l'individu, et puis la commémoration, qui peut être l'anniversaire d'un sacrement, d'une fondation, d'une histoire, d'un événement historique, etc. Les deux ayant à voir avec l'identité. Et je suis très intéressé par le livre des costumes de Schwartz, qui parle bien sûr de l'habit, qui ne fait pas le moine, mais qui traduit, comme le disait Pierre Bourdieu, les habitus, quelque chose de la persona et de la personnalité, et l'évolution d'un sujet au fur et à mesure de son avancée en âge, au travers de modes qu'on pourrait dire générationnels, mais aussi d'étapes de ses cycles de vie. Et finalement, c'est un peu un précurseur du selfie. Alors, il y en a deux autres que j'affectionne beaucoup, qui accordaient beaucoup d'importance à leurs anniversaires, Rembrandt. Et puis Picasso, hein, qui jusqu'à quelques jours avant de mourir fait encore ses autoportraits à la mort, hein, qui sont saisissants et qui montrent comment, devant le miroir de ses dernières journées de vie, il est encore au travail de la représentation de soi. Dans la petite évocation montée par les étudiants d'art dramatique que nous venons de voir, il y a aussi un autre phénomène que l'on peut constater de multiples fois au cours d'une vie, à savoir qu'un anniversaire en cache souvent un autre, qu'il y a souvent des mises en abîme de dates anniversaires. On verra tout à l'heure avec Irina, j'y reviendrai dans la pièce de Tchekhov, Les Trois Sœurs. Et puis, il se trouve qu'il y a au moins deux personnes dont c'est aujourd'hui l'anniversaire, si j'ai bien suivi le groupe. Et ça, c'est bien connu des statisticiens, des probabilistes en mathématiques. Ça s'appelle le paradoxe des anniversaires, c'est-à-dire dès lors qu'on réunit suffisamment de personnes autour de 60, donc nous sommes vraisemblablement au-delà, eh bien, la probabilité est de 1 sur 2 pour qu'il y ait deux personnes qui aient la même date anniversaire et de 1 sur 3, donc nous sommes dans ce cas-là, pour que ça coïncide avec la date même de la réunion. Alors, ce paradoxe des anniversaires, j'y reviendrai parce qu'en psychologie, on évoque le syndrome d'anniversaire, qui est que dans une même famille, à une date ou à un âge donné, certaines personnes revivent des traumatismes ou des événements similaires. D'un point de vue purement mathématique, en fait, ça n'est pas le fait d'un effet de causalité des dates sur nos destinées, mais plutôt simplement une probabilité forte mathématique qu'on surinterprète. Et souvent, on surinterprète l'anniversaire. Alors, encore quelques minutes avant de repasser la parole à mon collègue. Je voulais insister, à partir de cette petite évocation de l'anniversaire, sur différentes fonctions qui ont été tout à fait bien mises en scène. Différentes fonctions de l'anniversaire de naissance, pour le coup. Le culte de soi, alors qui va avec le selfie, avec nos montées de l'individualisation ou de l'individualisme dans nos sociétés. Et par rapport au bannissement ou à la distance des premiers chrétiens vis-à-vis de l'anniversaire, il y a aussi la question du péché d'orgueil. L'anniversaire romain, pour Origène d'Alexandrie, l'inventeur des péchés capitaux, c'est un péché d'orgueil. Et on peut s'interroger sur effectivement le narcissisme qu'il y a à se fêter soi-même ou se faire fêter soi-même son âge et son anniversaire. Ça m'évoque ce qui est curieusement dit dans la petite scène qu'on vient de voir. Doit-on fêter Clara parce que c'est le jour où elle est sortie de sa mère? Ça fait bizarre. Hein, et alors on retrouve Schwartz qui se dans son premier costume qui est celui de sa maman, et on retrouve aussi saint Augustin qui dit qu'on n'a jamais vu un saint, c'est un personnage, fêter le jour où il sortit de la ville matrice qui le mit au monde. On a donc l'idée que c'est toute la question de qu'est-ce que la vraie vie. Et pour saint Augustin, évidemment, la vraie vie, c'est après la mort. Et on doit fêter la date de décès du saint qui va donner lieu au culte des fêtes, hein, la fête du saint patronymique au XXe siècle en France, longtemps plus fêté. On fêtait plus le saint patronymique des enfants, la Saint-Joseph, la Sainte-Marie, etc., que l'anniversaire de naissance jusqu'à une période quand même relativement récente. En tout cas, il y a eu longtemps une controverse entre la fête des saints et l'anniversaire de naissance, plutôt perçu comme païen ou impie. Dans les ingrédients de l'anniversaire, ils ont tous été mentionnés. Vous vous les connaissez. Alors, on n'a pas le temps ici d'en détailler la symbolique, mais il y en a une qui peut être étudiée, ben, comme vous l'avez dit, ou interprétée de différentes manières. Il y a le gâteau, le partage oral, etc., etc. Dans une perspective freudienne, on pourrait dire qu'il y a là quelque chose du banquet fondateur derrière un meurtre symbolique. Il y a la question des bougies, hein, qui servent de longue date à mesurer le temps, d'une part, et puis qui joue sur l'ambiguïté entre la vie et la mort, le souffle de vie, la flamme de l'enfer, mais aussi le feu de la vie et du désir, l'extinction des feux, etc. Et donc là, on a toute une métaphore de l'alternance entre la vie et la mort. Et puis évidemment, on décompte l'âge avec les bougies. Alors maintenant, on triche, hein, on a des bougies numériques, parce qu'arrivé à des âges incommensurable comme le mien, ça commence à faire beaucoup trop de bougies sur le gâteau, donc on met des chiffres, ça déguise un peu le dégât. Il y a le cadeau, alors on va voir tout à l'heure un cadeau qui est aussi une surprise, et il me semble que dans tout anniversaire il y a cette notion de surprise qui donne lieu chez les Américains à la terminologie de surprise party, hein, voire même parfois les fêtes anniversaires sont des fêtes données par surprise, hein, on surprend. J'y vois pour ma part, c'est une interprétation parmi d'autres, mais l'idée que l'année à venir contient de la surprise, heureuse ou malheureuse, en tout cas de l'imprévu, que les vœux incantatoires que l'on fait en soufflant les bougies visent à conjurer, parce qu'au fond, à l'arrière-plan de l'anniversaire, il y a, me semble-t-il, toujours plus ou moins la conjuration de la mort et l'affirmation de la vie. Voilà quelques petits éléments pour commencer. Je reviendrai tout à l'heure autour d'une approche plus psychologique encore. Merci de votre attention. Et puis Jean-Claude va continuer à nous parler de l'histoire des anniversaires. Merci. Oui, non, ce que vous venez de dire éclaire parfaitement la richesse du thème, hein, qui peut surprendre, parce qu'on se dit l'anniversaire, bon, c'est pas grand-chose, hein, cette petite cérémonie entre nous, là, mais en fait, ça ouvre sur tellement de choses, sur la question de la commémoration, donc toute la mémoire, immense dossier, naturellement, immense problème, sur la question des anniversaires institutionnels, parce qu'ici, donc, on fête ce Centre national d'art dramatique pour son anniversaire, et en même temps, on parle de l'anniversaire des personnes. Vous avez évoqué le portrait avec tout ce versant narcissique, peut-être le selfie, etc. Et ça aussi, ça a une histoire, naturellement. Ce n'est pas les selfies qui ont inventé les portraits, hein, mais le portrait, eh bien, il est à peu près contemporain là, de ces images de Matthäus Schwarz. Et vous avez vu les images où il se met nu, hein, devant le peintre. Eh bien, c'est peut-être la première image d'un nu autobiographique, si vous voulez, hein, avec Dürer qui est contemporain et qui lui-même se dessine nu à différents âges, voilà, y compris un âge avancé dans lequel il n'a aucune complaisance devant son corps, la déchéance du corps. Donc voilà, ça ouvre vraiment c'est ça qui est passionnant, je dirais, dans un sujet. On tire un fil et puis on découvre un univers. Hein. Voilà, alors tout à l'heure, je vous ai posé une question, vous n'avez pas encore répondu, mais je vais vous aider un petit peu. Je parlais de l'astrologie, hein, qui est un phénomène très important à partir du XIVe siècle, et qui amène, en même temps que cette histoire du portrait, hein, les premiers portraits date du XIVe siècle, milieu XIVe siècle, et les autoportraits de la fin du XVe siècle, et puis Dürer, justement, 1500 même, lui-même s'est peint lui-même devant un miroir, vous voyez, donc on est dans cette trajectoire. Et alors sur l'astrologie, ben voilà par exemple ce petit dessin qui est d'un astrologue qui a fait son thème astrologique. Donc il y a un caractère d'autoportrait dans ce petit schéma astrologique, c'est-à-dire qu'il essaie de voir, et pour son anniversaire justement, à un âge donné, il établit la conjonction des astres à l'heure de sa naissance, pour tel anniversaire, vous voyez, un astrologue anglais du XIVe siècle. Et puis, après, eh bien, on a beaucoup d'autres documents, et je vous en montre un ici qui n'est pas directement lié à l'anniversaire, mais qui participe précisément de tout cet environnement dont il faut tenir compte. Ici, les âges de la vie, et cette représentation par Philippe de Champaigne d'une fratrie, C'est peut-être un des tout premiers portraits où on voit des enfants, portraits collectifs, on voit des enfants sans leurs parents, mais des enfants pour eux-mêmes et dont les âges précis sont marqués. Donc âge avec l'année, le nombre d'années, le nombre de mois pour chacun d'eux. C'est ce type de document qui vient renforcer cette attention à l'anniversaire, à une époque où, dans les milieux aristocratiques surtout, un peu partout, dans les cours, pas à la cour de France, qui marque, c'est Saint-Simon qui explique que non, à la cour de France, on ne fête pas l'anniversaire du roi. En revanche, on le fait à la cour d'Angleterre. Il y a donc des différences de ce genre. Peut-être que le roi Soleil, justement, est au-delà, hein, au-dessus de tout ça. Et puis, ça continue. Et un détail, les enfants, me semble-t-il, depuis assez tôt, au début du XVIIe siècle, le futur Louis XIII, qu'on connaît parfaitement dans toutes ses premières années, grâce à son médecin qui a assisté à l'accouchement de Marie de Médicis, hein, l'accouchement du dauphin, et qui a ensuite suivi jour après jour, en notant absolument tout ce qu'il mangeait, la couleur de ses selles, ses premiers mots, ses premiers pas, etc. C'est Héroïre, s'appelait. Donc un énorme volume qu'il a ainsi compilé, note comment le futur Louis XIII insiste, connaît sa date de naissance, connaît l'heure de naissance, assez tard le soir, et insiste pour qu'on lui chante un Te Deum, un chant religieux, pour marquer son anniversaire. Mais passé l'âge de 12 ans, il n'en est plus question, comme si c'était une sorte de presque de caprice d'enfant. Et on retrouve cela au XVIIIe siècle, à la cour, notamment pour le futur Louis-Philippe, qui était duc de Valois à ce moment-là, avant la Révolution, naturellement. Alors, est-ce que la Révolution a d'une certaine façon démocratisé cette pratique, comme on le dit de la cuisine, hein, la Révolution a démocratisé la bonne cuisine, hein, française. C'est possible, ce serait en tout cas une piste à suivre. En tout cas, dans les milieux bourgeois, par exemple chez Georges Sand, au XIXe siècle, bien, on fête l'anniversaire, alors là, non pas de l'enfant, des enfants, mais de Georges Sand elle-même, la grand-mère entourée de ses petits-enfants qui viennent réciter des petits compliments, des poèmes, etc. Et on sent bien qu'à cette époque-là, en fait, que les choses se mettent en place. Alors, la question que je vous ai posée, donc, depuis quand le gâteau, les bougies, en plus la petite chanson qui n'est pas encore Happy Birthday et pas même Joyeux Anniversaire, alors depuis quand? Eh bien voilà, pour moi, c'est Johann Wolfgang Goethe, le grand poète, philosophe, dramaturge, scientifique aussi. Car déjà, son père lui offrait, pour son anniversaire, un petit pain. Vous savez, un escargot, comme ça, ou un bretzel, dont il note chaque année, parce que le père tenait un journal, il notait la date exacte de l'anniversaire de son fils, et puis le prix du bretzel. Et alors, on peut suivre la courbe des prix des bretzels à Weimar, etc. Et ensuite, le fils a fait pareil. Et il y tient énormément, où qu'il soit, ensuite, dans sa vie de plus en plus publique et de plus en plus célèbre, n'est-ce pas ? Et à la fin de sa vie, c'est quasiment une fête nationale, dans cette Allemagne qui n'est pas, évidemment, encore unifiée dans un empire. Hein. C'est carrément une fête nationale que l'anniversaire du grand Goethe. Les rois, le roi de Bavière, le roi de Prusse, rivalisent de générosité, de médailles, de compliments, etc., à son adresse. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment la fin d'une histoire, mais qui commence, vous voyez, à la fin du XIIIe siècle, pratiquement, voire même beaucoup plus tôt, avec l'Empire romain. Et il faut tout ce temps pour en arriver à former cette petite cérémonie familiale qui représente, vu de très loin, de très haut, un grand basculement, c'est mon interprétation, de la mort vers la vie, mais aussi de la religion, fût-elle païenne, la religion des empereurs romains, n'est-ce pas, vers une sécularisation et une individualisation très forte qui est caractéristique de notre société. Merci beaucoup. Julien, Clara va faire des JP, tu peux éteindre les lumières, s'il te plaît? Merci. Et tu rallumes quand elle rentre, s'il te plaît. Merci, JP. Bah, je sais pas ce qu'elle fout. Toujours en retard, mais ouais. Elle avait son rendez-vous à quelle heure? Bah là. Il y a 30. Chut, je crois qu'elle est là. Chut. Bon alors, on répète Malo. Bah pourquoi c'est tout? Pourquoi c'est moi? Ah, Emma, elle est là. Bon, on répète Malo. Vous foutez quoi là? On devait pas répéter Malo? Papa est mort il y a juste un an. Papa est mort il y a juste un an aujourd'hui même, le 5 mai, le jour... Bon, Emma, dis-lui quelque chose. Le jour de ton anniversaire, Irina. Pour mon année, j'ai Irina, bon, et toi tu fais Olga. Et Emma, tu fais ma chapitre. Ça te va bien, tu es magnifique. Je me souviens du cimetière. Il n'y avait pas beaucoup de monde. C'est bizarre pour un général quand même, non? Stop les souvenirs. Olga, fais un effort. C'est mon anniversaire, pense à la journée d'aujourd'hui. Ça va être joyeux. Tu as raison. Il fait doux. On peut laisser les fenêtres grandes ouvertes. Je me souviens du jour où on a quitté Moscou pour venir ici. C'était il y a 11 ans. J'ai absolument rien oublié. Oh, gaffe, un effort. Quand je me suis réveillée ce matin, j'ai vu le printemps et j'ai eu tellement envie de retourner à Moscou. Ne siffle pas, Macha. Écoute, je suis au lycée jusqu'au soir. Et après ça, je donne des cours. J'ai tout le temps mal à la tête. Il n'y a qu'une seule chose qui me fait tenir. Partir à Moscou. Vendre la maison, en finir avec tout ceci. Et hop, à Moscou. Oui, vite. À Moscou. Notre frère, sans doute, il sera professeur d'université. De toute façon, il ne restera pas vivre ici. Le seul obstacle, c'est la pauvre Macha. Et Macha viendra tous les ans passer l'été à Moscou avec nous. Qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Ce matin, en réalisant que c'était mon anniversaire, je me suis sentie pleine de joie. Tu es vraiment belle aujourd'hui, Irina. Je reviens d'ici. Macha aussi, elle est belle. André, il pourrait être beau, mais il a beaucoup grossi, ça ne lui va pas du tout. Quant à moi, j'ai beaucoup vieilli. J'ai maigri à force de me mettre en colère contre les élèves au lycée, mais aujourd'hui, je me sens libre. Je suis à la maison et je n'ai pas mal à la tête. Je me sens même d'ailleurs plus jeune qu'hier. J'ai 28 ans. C'est pas vieux, 28 ans. Pourtant, je pense que si je me mariais et si je pouvais rester chez moi toute la journée, ce serait beaucoup mieux. Oh, mais toi, tu m'énerves! Bon anniversaire, Irina. Irina, ça fait toujours les rôles de mec. Vous aurez la visite de notre nouveau commandant de batterie, Vershinin. Bonne nouvelle. Il est vieux? Non, ça va. 40, 45 maximum. Un brave type, ça se voit. Pas bête, ça c'est sûr. Seulement, il parle beaucoup. Il est bien? Oui, pas mal. Seulement, il a une femme, une belle-mère et deux petites filles. Sa femme, c'est une espèce de folle. Elle n'a que des grands mots à la bouche. Elle fait de la philosophie et des tentatives de suicide pour énerver son mari. Contre la chute des cheveux, deux billes de naphtaline pour une demi-bouteille d'alcool bien agitée. et appliquer chaque jour, d'accord. Il regarde comme il faut ton vieux. Hein. Ivan. Ivan. Oui, ma petite. Pourquoi suis-je si heureuse aujourd'hui? Hein? Pourquoi? Aujourd'hui, quand je me suis réveillée, brusquement, j'ai eu l'impression que tout était clair. Ivan, je sais tout. L'homme doit travailler. C'est ça le sens et le but de sa vie. Il vaut mieux être un bœuf et travailler que d'être une jeune femme qui se lève à midi. Si je ne commence pas à me lever et à travailler, refuse-moi ton amitié, Ivan. D'accord. Papa nous avait dressé à nous lever à 7 heures. Aujourd'hui, Irina se réveille à 7 heures, mais elle reste au lit au moins jusqu'à 9 heures. La nostalgie du travail, comme je comprends ça. Moi, je n'ai jamais travaillé de ma vie. Quand je rentrais de l'école militaire, mon domestique m'enlevait mes bottes, et pendant ce temps, je faisais des caprices. Ma mère me regardait avec adoration. Mais cela va changer. Quelque chose d'énorme avance vers moi. Oh, j'adore ce passage, c'est comme les révoltes communistes en bravo. Un ouragan se prépare et bientôt tout sera balayé. Dans 30 ans, chaque homme travaillera. Chaque homme. Moi, je ne travaillerai pas. Toi, tu ne comptes pas. Dans 30 ans, tu seras mort. C'est vrai que je n'ai jamais rien fait. Depuis que j'ai eu mon diplôme, je n'ai pas levé le petit doigt. Je n'ai pas lu un livre. Je n'ai lu que des journaux. Ah, tiens, on m'appelle. Je reviens tout de suite. Il mijote quelque chose. Il est parti te chercher un cadeau. Non. Au bord de l'anse, un chêne vert. Autour du chêne, une chaîne d'or. Tu n'es pas gay aujourd'hui, Macha. Où vas-tu? Je rentre. Partir un jour de fête? Pas d'importance, je reviendrai ce soir. Je te le souhaite une fois de plus, sois heureuse. Du temps de papa à nos fêtes, il y avait 30 ou 40 officiers, c'était bruyant. Aujourd'hui, il n'y a pas un chat. Ne m'écoute pas, je ne me sens pas bien gay. Je vais marcher un peu. Toi alors? Je te comprends, toi. Tu n'as pas pleurnicher. Un samovar. Un samovar? Mais tu es complètement fou. Mais Ivan, qu'est-ce que tu as fait? Je vous l'avais dit. Mes petites, vous êtes ce que j'ai de plus cher. Ce que j'ai de plus cher au monde. Moi, je suis vieux et je n'ai rien de bon en moi. Si ce n'est l'amour que j'ai pour vous. Mais pourquoi des cadeaux aussi chers? Ah! Lieutenant-colonel Alexandre Verchinide. Bonjour, je m'appelle Alexandre, très heureux de me trouver parmi vous. Asseyez-vous, je vous en prie, c'est un très grand plaisir pour nous. Mais Benoît, tu répètes toujours en chaussettes. Écoutez, je suis très heureux de me trouver chez vous. Vous étiez trois filles, je me souviens, trois petites filles. Je ne me souviens plus de vos visages, mais je me rappelle que votre père, le colonel Prozorov, avait trois petites filles. Et je vous ai vues, de mes yeux vus, comme le temps passe. Alexandre est de Moscou. De Moscou? Vous êtes de Moscou? Oui, votre père y était commandant d'une unité de batterie. Moi, j'étais officier dans la même brigade. Et vous, votre visage, je crois que je m'en souviens un peu. Moi, pas du tout. Olga, Olga, Olga, mais viens un peu. Figure-toi qu'Alexandre Verchinine est de Moscou. Ah, vous êtes Olga. Et vous, Irina. Et vous, Macha. Vous êtes de Moscou. Ah, mais je me souviens maintenant. Tu te souviens, Olga? On disait chez nous le major amoureux. Vous étiez lieutenant à l'époque. Et je ne sais pas de qui vous étiez amoureux, mais nous, histoire de se moquer, on disait le major amoureux. Oui, le major amoureux, c'est vrai. Comme vous avez vieilli. Comme vous avez vieilli. Major amoureux, à l'époque, j'étais jeune, j'étais amoureux. À présent, c'est fini tout ça. À présent, je me souviens. Je me souviens. Je me souviens de votre maman. Elle est enterrée à Moscou. Figurez-vous que je commence déjà à oublier son visage. C'est comme nous, c'est pareil. On ne se souviendra plus de nous. On nous oubliera. Joyeux anniversaire, Irina. Mon cadeau, l'histoire de notre lycée écrite par moi. Bonjour, Koulikine, professeur au lycée. Dans ce livre, tu trouveras tous ceux sortis diplômés en l'espace d'un demi-siècle. Tu m'as offert le même livre à Paris. Pas possible, rends-le-moi. Tiens, donne-le à ton invité. Tenez, vous le lirez un jour. Macha, à 4 heures aujourd'hui, nous sommes attendus chez le directeur. On prépare la promenade avec les enseignants et leurs familles. Je n'irai pas. Je suis très heureux d'avoir fait votre connaissance. Je vous remercie. Vous partez? Non. Restez déjeuner avec nous. Je vous en prie, c'est un plaisir. Je vous le demande. J'ai cru comprendre que c'était votre anniversaire. Je suis désolée, je ne savais pas. Mes amis, je vous en prie, le repas est servi. Un pâté en croûte. Un pâté épatant. Mais attention, tu ne bois rien aujourd'hui. Oui. Tu as entendu? À la vôtre, colonel. Je suis le mari de Macha. À la vôtre. Macha est de mauvaise humeur aujourd'hui. Elle s'est mariée à 18 ans. Elle le prenait pour l'homme le plus intelligent du monde. Bon, à présent, ce n'est plus ça. C'est le meilleur des hommes, mais pas le plus intelligent. Laisse-les se mettre à table. À quoi penses-tu? Moi, j'ai 17 ans. Toi, tu vas les avoir. Tu n'as encore tellement de temps. Tu finiras bien par m'aimer. Nicolas, ne me parle pas d'amour. Tu dis que la vie est belle. Mais pour nous, les trois sœurs, elle n'a pas encore été belle. Elle nous a étouffés comme de la mauvaise herbe. La seule chose qui puisse encore nous sauver, c'est le travail. Il faut travailler, travailler, travailler pour être sûr de construire quelque chose. Il passe déjà à table, je suis en retard. Irina, joyeux anniversaire. Bonjour Nicolas. Ah, Natacha, ah, bonjour. Olga, bonjour. Je suis confuse, vous recevez vraiment beaucoup de monde. Ce sont des amis. Vous avez mis une ceinture verte. Ça porte malheur? Bah non, mais simplement, ça me va pousser. Ça fait bizarre. Ah, mais ce n'est pas exactement vert. Irina, je te souhaite un fiancé très bien. Il est grand temps que tu te maries. Ah bah oui, à 18 ans. Natalia, toi aussi, je te souhaite un joli petit fiancé. Merci. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Me fait penser à la chose suivante. Peut-être avons-nous ce point commun, Jean-Claude Schmitt et moi, c'est que quand on a écrit un livre sur les anniversaires, le risque est grand de l'offrir plusieurs années de suite à la même personne, à son anniversaire, ce qui du coup nous fait sombrer dans le plus horrible péché d'orgueil qui soit. À partir des trois sœurs de Tchekhov, dont on vient de voir la scène inaugurale, on peut tirer quelques fils conducteur de ce que j'appellerais la psychologie de l'anniversaire. Premièrement, j'y vois le remplacement progressif, alors l'historien me dira, de certains rites de passage qui sont collectifs, qui sont régulés socialement, qui comportent des épreuves. Mais souffler les bougies, ça symbolise aussi cette notion d'épreuve, de mise à l'épreuve, de la capacité du souffle vivant. Les grands rites de passage, baptême, communion, mariage, etc., s'estompent. Et du coup, me semble-t-il, le rituel individuel et personnalisé de l'anniversaire, notamment au cours de la vie adulte, des anniversaires plutôt décennaux, ou alors les 55, 60, enfin certains caps comme ça particulièrement identifiés, viennent se substituer ou pallier cette désaffection des grands rites de passage collectifs, dont il reste une résurgence encore pour les générations, je pense, nées avant la guerre de 39-45, sous la forme des bals et des banquets de la classe, et avec tout ce que ça avait d'important, la classe de conscription pour la promise et le promis, le bal des conscrits, et le fait de vieillir ensemble, de marquer tous les 5 ans cette appartenance à une classe générationnelle commune. Et ces bals et banquets de la classe s'estompent, d'après ce que j'ai pu observer, après la guerre d'Algérie, dernière guerre de conscription, comme vous le savez, où les conscrits n'ont pas été sûrs d'avoir été du bon côté. Qu'en est-il du coup de ce rituel individuel qui marque nos passages d'année en année, d'âge en âge, dit Montaigne. Eh bien, d'abord, on peut y voir plusieurs éléments qui vont dans le sens de dire que l'anniversaire est, par certains aspects, anodin, banal, voilà, cette petite cérémonie familiale dont on a pris l'habitude. Et en même temps, certains anniversaires sont déterminants. Il y a à la fois de l'anodin et du déterminant. Alors, c'est étudié par les psychologues sous quatre angles. Le birthday blues, une illustration en est donnée dans de nombreux romans. Je songe, pour l'un des plus connus, parce que porté à l'écran, au journal, de Bridget Jones, qui n'arrive pas à fêter ses 30 ans. Hein. Et donc, c'est le fait d'être déprimé à l'arrivée d'une nouvelle année. Ce birthday blues peut aller jusqu'à un second phénomène qu'on appelle le birthday stress, beaucoup plus grave, puisque un certain nombre de passages à l'acte suicidaire ont lieu à la date anniversaire de naissance ou juste avant, notamment pour les 15-25 ans et pour les plus de 75 ans. Et de même, on a pu observer statistiquement qu'on meurt plus que le hasard le voudrait autour de sa date anniversaire de naissance, quelle que soit la cause du décès, quand on est une femme de plus de 60 ans et quand on est un homme de plus de 55 ans. Et donc, il y a une coïncidence, vous voyez, troublante, comme si s'inscrivait dans le corps, au-delà de la décision d'un passage à l'acte suicidaire, les caps d'âge anniversaire. Et ça amène à une troisième série de phénomènes psychologiques en lien avec les dates anniversaires, les effets anniversaires, qui regroupent un certain nombre de phénomènes déjà identifiés par Freud, le fondateur de la psychanalyse, qui avait bien identifié que l'inconscient ignore le temps, mais est très sensible, alors ça rejoint vos travaux d'une autre manière, très sensible au rythme de date et aux cycles, notamment les cycles de 7 années semblent être inscrit psychiquement, et on en retrouve maintes symboliques dans maintes religions et maintes cultures de l'importance de ce chiffre 7 dans le décompte du temps, à commencer par la semaine de 7 jours, évidemment. Dans les effets anniversaires, il y a aussi ce que les spécialistes de marketing ont bien repéré, c'est qu'on est plus prêt à se faire plaisir à sa date anniversaire, et donc c'est pourquoi on vous demande, quand vous remplissez des bons d'achat, etc., votre date anniversaire pour vous envoyer, vous avez sans doute remarqué ça, surtout si vous êtes une femme, qu'on vous envoie des bons d'achat, des réductions pour fêter votre anniversaire, parce que vous allez être plus disposé à dépenser de l'argent à ce moment-là. On pourrait multiplier, mais je vais laisser un peu de temps à la discussion, on pourrait multiplier les exemples sur tout ce qu'on peut regrouper autour de l'effet anniversaire, avec certaines études de psychologues dans différents pays, qui montrent qu'on vit plutôt mieux son avancée en âge quand on fête son anniversaire que quand on ne le fête pas. Mais allez savoir, c'est comme la poule et l'œuf. Est-ce que c'est parce que je vis bien mon âge que je suis prêt à le fêter, ou est-ce que c'est le fait de le fêter qui, conjurant les mauvais présages éventuels ou la peur de vieillir, viennent me faciliter l'acceptation ou l'assimilation de mon âge. Là aussi, tout un débat peut-être ouvert. Quelques mots encore sur cet avant-dernier point. Là, il s'agit de l'âge subjectif, c'est-à-dire la manière dont je vis mon âge, qui va entrer en conflit ou en tension, plus on avance dans la vie adulte, avec l'âge que j'ai, l'âge que me donne l'état civil, et l'âge que me renvoie finalement le regard d'autrui, ou mon corps, mon propre regard sur mon corps. Et au fond, il y a dissonance, bien souvent, à partir de 30-35 ans, et ça ne va pas en s'améliorant, entre l'âge que je pense avoir, que j'estime avoir, hein, ce qu'on appelle l'âge subjectif, et puis l'âge d'état civil, l'âge chronologique, sensiblement plus élevé. J'ai évoqué tout à l'heure, et ce sera le dernier point de cette ponctuation avant que nous puissions dialoguer, le syndrome d'anniversaire. Alors là aussi, ça va dans le sens de dire qu'il y a à la fois de l'anodin et du déterminant dans les dates anniversaires. Les coïncidences de dates anniversaires qui font qu'à telle date se passe telle ou telle chose d'une génération à l'autre, voire au cours d'une vie, sans doute dans vos histoires de vie, vous pouvez repérer car certaines dates de l'année, vous êtes dans un certain état d'esprit. Et ça peut être lié à un anniversaire inconscient que vous avez oublié, mais cette période, ce cycle qui s'inscrit en vous est sans doute révélateur d'un moment du passé qui se réveille à cette date-là. J'ai évoqué ce syndrome d'anniversaire pour dire qu'il y a de la coïncidence ou de la surinterprétation, mais il n'empêche que nous accordons tous, plus ou moins, de l'importance à ce chiffre, ce double chiffre qui nous caractérise, le chiffre d'âge et le chiffre de certaines dates significatives. Alors on a surtout évoqué les dates de décès et les dates de naissance, mais il y a aussi les dates de rencontre, les dates de mariage, etc., etc. Et certaines dates font date dans notre histoire. Je voulais finir sur cette remarque. Au fond, à la fois l'anniversaire est banal, semble-t-il sans grande conséquence. Et finalement, quand on s'y intéresse, il y a toute une problématique autour de l'avancée en âge, de l'apprivoisement de cette avancée en âge au cours de la vie adulte, toute une problématique autour de l'image de soi et toute une problématique autour des chiffres de date et d'âge. Et j'aime à rappeler que le mot chiffre en français a une double signification. C'est à la fois l'unité du calcul numérique, mais c'est aussi une énigme à déchiffrer. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Christian Hillon et Jean-Claude Schmitt pour vos interventions qui ouvrent, je pense, pas mal de portes psychologiques et historiques sur la question des anniversaires. J'en profite pour, avant de passer la parole à la salle, pour demander aux élèves comédiens de nous rejoindre et peut-être en profiter pour les applaudir à nouveau. Merci. Merci beaucoup, bravo. Et désormais, la parole est à vous. Si vous le souhaitez, un micro peut circuler, celui-ci d'ailleurs. Pour des questions pour les universitaires ou pour les étudiants de conservatoire ou des romains. Bonjour et merci à toutes et à tous. J'ai appris beaucoup de choses et je me suis régalée du travail des comédiens. Juste une remarque, une seule personne m'a dit un jour, il doit y avoir bien une trentaine d'années, que lui, il avait trouvé quelque chose de plus original pour fêter son anniversaire, et en tout cas, c'était plus du tout le côté selfie, c'est que ce jour-là, il offrait un cadeau à sa maman et à son papa pour les remercier de leur avoir donné la vie, de lui avoir donné la vie. Et je trouvais cette idée-là intéressante, mais bon, je n'ai jamais eu l'idée finalement d'aller jusqu'au bout, mais j'ai une petite excuse, ma maman est décédée, j'étais très jeune. Et une deuxième remarque, là c'est subjectif, c'est une question de mémoire, les anniversaires. Est-ce que c'est justement parce que quand on sort du ventre de la maman, qu'en général les dames ont plus le souvenir des dates que les hommes ? Pardon, messieurs. Oui, merci beaucoup, madame, pour cette invitation à aborder la question du genre dans le rapport aux dates et à l'âge. Ce qui est assez peu fait en psychologie, je ne vais pas entrer trop longuement dans le détail, mais un certain nombre de chercheurs en psychologie s'intéressant à l'âge oublient totalement la question du genre, masculin-féminin, là où d'autres s'intéressant exclusivement au genre, oublie totalement la question de l'avancée en âge. Alors, premier élément de réponse, que votre ami vous expliquant la manière d'honorer ses parents à sa date anniversaire de naissance me fait songer à l'excellent travail d'une collègue psychanalyste et gynécologue, Monique Bidlowski. Le titre parlera de lui-même, « La dette de vie ». Comment m'acquitter-je de la dette que j'ai contractée sans le demander vis-à-vis de ceux qui m'ont mis au monde. Et l'une des manières, c'est de soi-même donner la vie, d'où l'appétence à devenir grand-parent à un certain moment donné de son avancée en âge. Deuxième élément de réponse sur le rapport des femmes aux dates. Alors, tout est multifactoriel, je pense en histoire aussi, en tout cas en psychologie, c'est une certitude. Différents facteurs éducatifs, d'histoire de vie, de culture, etc., déterminent plus ou moins ce que je vais dire. Mais me semble-t-il, le corps féminin inscrit d'emblée dans le cycle, à la différence immense du corps masculin qui ignore notamment le cycle menstruel. Ça inscrit donc physiologiquement, d'une certaine manière, le corps féminin dans un rapport au temps, à la circularité du temps, là où j'ai tendance à faire l'hypothèse que le corps masculin est plus inscrit dans un temps linéaire, celui de la durée, non pas celui du cycle. Et effectivement, dans les travaux que j'ai pu mener en interrogeant les uns et les autres, j'ai souvent constaté que les femmes ont une meilleure mémoire des dates que les hommes et une sensibilité à ce qu'on n'oublie pas leur anniversaire, ce qui pourrait être la négligence de certains hommes, d'après quelques échos que j'ai pu avoir. Mais cela dit, ça n'est pas vrai pour toutes les femmes et pour tous les hommes. Mais effectivement, voilà un des éléments de réponse. Je ne veux pas être trop long. Peut-être vous avez d'autres idées, Jean-Claude ? Oui, d'abord, de façon générale, je suis extrêmement heureux de ce dialogue avec un spécialiste de psychologie sociale. C'est assez rare, n'est-ce pas, que l'histoire dialogue avec la psychologie. Les historiens aujourd'hui dialoguent beaucoup avec les anthropologues, par exemple, et moi, je pense, avec la psychologie. Donc, c'est extrêmement intéressant. Alors, naturellement, après, les contraintes de chaque démarche pèsent, naturellement, et par exemple, la documentation que l'on peut avoir pour les siècles anciens peut manquer pour répondre à toutes les questions, et en particulier à celles que vous posez. Cela dit, dans les images là, de Matthäus Schwarz, lorsque lui-même veut qu'on représente sa mère enceinte en disant « c'était ça mon premier vêtement, le ventre gonflé de ma mère », va bien dans ce sens, voyez. Mais en même temps, en tant qu'historien, je dirais « attention, on est là au début du XVIe siècle. Ce qui est possible à ce moment-là n'est pas possible du tout. » Par exemple, au début du XIIe siècle, j'ai étudié, bon, c'est un détail dans le livre que je vous ai montré, la question d'un moine. Alors, en plus, bon, il y a la question du genre, en effet, et les documentations sur venant du milieu féminin, venant des femmes, sont évidemment beaucoup plus rares, et surtout plus on remonte dans le temps. Hein, cela dit, Saint Augustin, par exemple, puisque vous avez tout à l'heure cité Saint Augustin, qui meurt, je vous rappelle, en 430, donc Saint Augustin, dans les Confessions, voue à sa mère une véritable adoration. C'est pas Sainte Monique qui est devenue sainte, hein, pour l'Église, Sainte Monique. Et le personnage dont je voulais vous parler, qui est un moine du début du XIIe siècle, Guibert de Nogent, qui a écrit, ce qui est très rare, une autobiographie, se prend lui-même, sans le dire, pour une sorte de nouveau Saint Augustin, qui a la même adulation pour sa mère qui lui a donné naissance, hein, et qui a surtout, parce que cette naissance est très mal passée, ça a été très difficile, et qu'il a voué à la Vierge, ce qui fait qu'il est devenu moine et non pas chevalier comme son père l'aurait voulu. Et il en arrive à dire qu'il se réjouit, pratiquement il le dit comme ça, de la mort de son père charnel, parce que s'il avait vécu, il aurait enfreint ce vœu. Et il aurait fait de lui un chevalier, ce qui, socialement, il aurait dû devenir. Voyez. Donc, et en revanche, sa mère a veillé à ce qu'il soit bien un moine et qu'il puisse continuer pendant leur vie à dialoguer comme saint Augustin le faisait avec sainte Monique. Mais des documents absolument prodigieux et qui éclairent, là, alors non pas dans une voix féminine, dans une voix masculine, mais qui éclairent quand même ce rapport à la mère, ce rapport aux parents, à la dette que l'on doit, voilà, pour un personnage qui, par ailleurs, explique qu'on ne peut pas précisément célébrer l'anniversaire de la naissance à la vie terrestre, parce que ça n'importe pas du tout. Quand on est, on n'a encore accumulé aucun mérite. Alors qu'en revanche, à la fin de sa vie, là, on peut juger des hommes, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils sont devenus, et donc s'ils méritent véritablement que l'on commémore leur date de mort, c'est-à-dire de vraie vie, de vraie naissance à la vie éternelle. une fois qu'ils auront quitté ce siècle. Voilà. D'autres questions, réactions ? Oui ? Merci. Vous voulez bien prendre le micro, parce qu'en fait, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, mais les rendez-vous sont enregistrés et sont tous réécoutables d'ailleurs. D'accord. Je vais essayer de faire de mon mieux. Merci pour la pression. Voilà, c'est parfait. Merci. Oui, je ne suis pas habituée au micro, pardon. Vous avez évoqué l'anniversaire comme un rite de passage qui reste, comme un culte du soi. Moi, je le vois beaucoup au niveau de la famille, d'un rite qui permet de réunir des familles qui sont plus ou moins éclatées, géographiquement parlant, et des dates qui restent et qui permettent de réunir tout ça et qui permettent de raconter aussi, de garder l'histoire de la famille et de la mémoire. Et j'aurais bien aimé que vous évoquiez un petit peu plus ce que ça fait au niveau familial. Voilà. Vous le faites fort bien, et je vous remercie de ce complément. Effectivement, dans le cadre de cet exercice, on ne peut pas tout aborder, donc j'ai donné quelques éclairages, vous aussi, évidemment. Oui, je n'ai pas souligné ce qu'on voit aussi dans Les Trois Sœurs, mais avec le versant dramatique de la famille en question. Je n'ai pas évoqué l'aspect prétexte à des retrouvailles familiales, des dates anniversaires, alors soit des dates anniversaires des membres de la famille, effectivement, dans beaucoup de familles, c'est le prétexte de se retrouver, d'autant plus que l'éloignement géographique fait qu'on est en recherche d'occasion de se raconter, comme vous l'avez dit, de se retrouver, etc. Donc oui, effectivement, l'anniversaire est un prétexte, et notamment à ces retrouvailles familiales, avec un sens fort, parce que c'est l'évocation aussi, quand on se réunit autour de la naissance des enfants, de reparler du passé, de la rencontre parentale, enfin, ce qu'on appellerait le roman familial, hein, qui se tisse, qui se dit, qui se redit, et qui est l'occasion, oui, de façonner l'évolution d'un lien familial qui va du grandissement à la séparation, tout en mettant en œuvre quelque chose d'une généalogie vivante. Hein, voilà comment je dirais les choses. Effectivement, donc, je n'avais pas souligné cet aspect. Cela dit, ce n'est pas propre à l'anniversaire, parce que ça peut être aussi d'autres formes de dates aussi anniversaires, par exemple celle de la naissance du Christ ou de sa mort, Noël et Pâques, qu'on soit croyant ou non, restent des anniversaires propices aux retrouvailles familiales où l'on ne fête pas l'un des membres de la famille, effectivement. Oui, évidemment, moi je pensais plutôt aux funérailles, puisque comme je l'ai montré, pendant très longtemps, il n'y a pas de célébration d'anniversaire de la naissance. Donc ça ne peut évidemment pas jouer ce rôle, mais il y a d'autres occasions, naturellement, et les funérailles en sont une, quand elles se passent normalement, je dirais. C'est-à-dire en rassemblant, pour rassembler la famille qui, dans les sociétés traditionnelles, n'était pas dispersée aux quatre coins du monde. Hein, c'était plus facile, sans doute, de réunir une famille à cette époque qu'aujourd'hui. Sur la question du rite de passage, je pense qu'il faut être un peu prudent parce que dans le cas de l'anniversaire, on ne peut pas parler de rite de passage. La naissance est un rite de passage, le baptême est un rite de passage. Et je ne vais pas parler des rapports entre baptême, naissance, anniversaire, mais c'est évidemment une ligne à suivre. Le mariage est un rite de passage, l'entrée dans les ordres pour un religieux, c'est un rite de passage, ou l'adoubement d'un chevalier au Moyen-Âge, c'est un rite de passage. Dans la société occidentale, traditionnellement, on observe que l'initiation, si vous voulez, hein, l'initiation comme grand rite de passage est relativement euphémisée. Bon, pour les garçons, disons au 19e, 20e siècle, c'est la conscription, c'est le conseil de révision, ça c'est très important. Pour les filles, c'est beaucoup plus discret, n'est-ce pas ? Et là, je pourrais renvoyer aux travaux d'ethnologie. Pour les garçons, je pense à ce que Daniel Fabre a écrit, qui est tout à fait superbe, ou Yvonne Verdier pour les filles. Vous voyez, la préparation au mariage, finalement, des filles dans la société française traditionnelle occupe une place très importante. Bon, l'anniversaire, la naissance est peut-être un des éléments, mais ce n'est évidemment pas déterminant. Mais il n'y a pas de grande cérémonie comme on peut l'observer dans les sociétés que les anthropologues en Nouvelle-Guinée ou ailleurs analysent. Il il ne faudrait pas passer sous silence quand même, disons que tout n'est pas paradisiaque dans les réunions de famille. C'est souvent aussi, on le sait, l'occasion de soulever des secrets ou de poser des mauvaises questions, etc. Hein, je crois que c'est important de le redire. Bon, mon collègue historien se défausse en disant ça, c'est de la psychologie. Mais il y a peut-être des choses à dire du côté de l'histoire. Oui, effectivement, je n'ai pas évoqué par exemple qu'ici même a eu lieu la représentation de Festen, le film de Wittenberg qui parle de l'anniversaire d'un sexagénaire et qui est l'occasion de la révélation d'un secret de famille que je ne vais pas vous révéler, sinon vous n'irez plus jamais voir le film. Évidemment, hein, alors là encore, mes excuses, on ne peut pas tout aborder, mais évidemment, l'anniversaire comme prétexte à retrouvailles, c'est-à-dire à liaison, ou reliance, on pourrait dire, hein, relier les personnes, est aussi parfois le moment propice de la révélation du secret, de la révélation du non-dit, de la levée de certains voiles, parce qu'il réunit les protagonistes, non pas en tant qu'anniversaire, mais en tant que réunion de famille, dont on sait bien, effectivement, qu'il peut y avoir des non-dits, des conflits et des révélations à ces moments-là particulièrement. Oui, alors, une autre intervention, merci. Alors, il y a quelqu'un qui veut intervenir là, mais oui, oui, alors, juste pour ajouter à ce que vous disiez, dans certaines civilisations, notamment antérieures, je dirais, entre guillemets, les phases d'initiation pour les adolescents, par exemple, ont été très valorisés dans l'esprit des psychologues par rapport à justement cette non-initiation de passage à l'adolescence, entre l'adolescence et l'adulte, et qui perturberait beaucoup nos jeunes depuis déjà X années, hein, puisqu'il n'y a plus d'initiation, il n'y a plus de passage où l'adolescent sait qu'il devient adulte. Oui, oui, bien, c'est un problème en effet aussi de psychologie sociale, naturellement, mais qu'on peut poser en termes historiques et en termes anthropologiques. Cela dit, là encore, il ne faut pas non plus, puisque vous utilisiez cette expression, idéaliser forcément les rites de passage dans les sociétés qu'autrefois on appelait primitives. Hein, je mets beaucoup de guillemets, disons, les sociétés étudiées par les anthropologues. Bon. Il n'y a plus de toute manière de société traditionnelle coupée de la globalisation, ça n'existe plus aujourd'hui pratique. Bon. Mais chez les Barouya en Nouvelle-Guinée, parce que c'est à eux que je pensais en fait, que Maurice Godelier a analysé, a étudié toute sa vie en fait, l'enfant, le petit garçon à l'âge de 10 ans à peu près, est séparé de sa mère pendant 10 ans. Et il est soumis périodiquement à des épreuves physiques extrêmement dures. On lui transperce la peau avec des épines, etc., etc. Enfin, c'est une épreuve terrible pour former le caractère viril, guerrier de ces hommes, si vous voulez. Donc, je le souhaite pas nécessairement non plus. Vous voyez, ne sombrons pas dans la nostalgie de ce type de société. Je crois qu'il y avait des questions par ici. Bonjour, merci déjà aux élèves du conservatoire et merci à vous deux pour cette conférence. Je voulais vous poser, pardon. Oui, je voulais vous poser comme question. Vous avez parlé, vous monsieur, de la collecte des données, le travail de mémoire en fait en général, qui est très important dans notre société aujourd'hui, dans nos sociétés. Et je voulais savoir, est-ce que ça avait peut-être un lien, enfin, c'est un peu vague comme question. Mais avec le sentiment de toute puissance et ce contrôle en fait qu'a l'homme, qu'essaie d'avoir l'homme en tout cas sur sa vie et sur sa vie de la naissance jusqu'à la mort, qu'on peut retrouver aussi d'ailleurs dans les sociétés avant. Voilà. Sacrée question, hein. Merci. rapidement, alors sur ce qui vient d'être dit, je rejoins tout à fait. Et les psys, dont je fais partie, nous avons vraiment beaucoup à apprendre de l'anthropologie et de l'ethnologie. Sinon, on sombrerait vite dans l'idéalisation du rite de passage qui ferait qu'il n'y aurait plus de conduite à risque à l'adolescence, etc. Et ce n'est pas sans doute comme ça que ça se passe. Ce que je voulais simplement dire à propos de la désaffection des grands rites de passage traditionnels à l'époque contemporaine et de l'émergence de l'anniversaire, c'est que l'anniversaire est substitutif, pas le copie, mais c'est pas un rite de passage, c'est un rituel annuel. Donc quand même certains, alors moi j'ai plutôt étudié les anniversaires décennaux des adultes hein, qui viennent là condenser ce qu'on a vécu pendant 10 ans, on est devenu parents, grands-parents, on prend sa retraite, etc. Alors c'est pas un rite de passage, mais c'est un rituel qui marque, qui condense les passages. Alors concernant la question de la mémoire et de la maîtrise, c'est très vaste. Moi, je distinguerais les deux thèmes. Du côté de la mémoire, je crois avoir dit l'essentiel. Il y a cette obsession de mémoire, alors parce qu'elle est externalisée de deux manières. La première, c'est le livre, et puis maintenant, c'est Internet. La mémoire externalisée du corps humain. Alors c'est aussi le rêve de Google et du transhumanisme, hein, donc il y a toutes ces questions-là derrière, et la conservation de l'identité dans des algorithmes, enfin on pourrait aller très très loin sur l'homme augmenté, l'homme dépassé, il y a toute cette perspective-là. Je voulais simplement indiquer que ça a deux conséquences. La première, c'est que les anciens, les plus âgés, ne sont plus les détenteurs de la mémoire du groupe, et que vous savez la fameuse phrase de Amadou Ampateba, l'écrivain malien, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Et la deuxième conséquence, c'est que cette surenchère, voilà, je fatigue, excusez-moi, à la mémoire, surenchérissement, voilà, je vous laisse encore mieux. Au fond, ça pose la question alors du coup, ça monte aujourd'hui le droit à l'oubli, hein, c'est-à-dire pas de mémoire sans oubli, sinon on devient... Borges a écrit des choses merveilleuses là-dessus, on devient fou de tout emmagasiner. Et puis la mémoire, elle est sélective, comme la date. Hein. Alors là aussi, c'est tout un thème sur les... On fête certaines dates, mais pas toutes. Jusqu'à quand doit-on commémorer le 11 novembre 1918 ? Une question d'actualité qui se pose tous les centenaires. À mon avis, vous posiez une autre question tout à la fin qui me paraît très importante, qui est un peu au-delà des anniversaires, mais qui parle de la naissance et de la mort. C'est qu'après avoir développé ce que j'appellerais l'accès aux naissances voulues, alors qu'est aujourd'hui un peu contesté, remis en cause de par le monde, mais c'est le grand mouvement, là aussi depuis 50 ans, hein, qu'on pourrait commémorer, les naissances voulues, l'enfant-projet. Eh bien, nous en sommes aujourd'hui aux questions éthiques autour de la mort choisie. Je n'ai rien de particulier à ajouter, hein, sinon que sur la question que vous posez très générale. Par exemple, du point de vue de l'historien, on pourrait évoquer la question du tri sélectif des archives. Vous voyez, l'idée que dans le passé, on allait tout garder. Et en fait, aujourd'hui, on est devant une telle masse. Papier d'abord, tout simplement, le papier administratif hein, que les archives départementales ou nationales gardent, ne peuvent pas tout garder. Donc il y a des algorithmes là aussi pour savoir statistiquement que peut-on détruire volontairement tout en sachant que ce qui subsistera suffira à reconstituer l'histoire d'une collectivité, d'une nation, etc. Vous voyez, donc c'est un autre aspect de cette question absolument fondamentale que vous posez, puisqu'elle se pose au niveau collectif, comme elle se pose naturellement au niveau de l'individu qui, lui, a sa propre manière de sélectionner et d'oublier. Car en effet, il n'y a pas de mémoire sans oubli. Et d'une certaine façon, c'est l'oubli qui prime sur la mémoire, toujours. On oublie plus. Et si vous pensez qu'historiquement, aux traces infimes de la mémoire collective, par rapport à tout ce qui a pu se passer, tout ce qui a pu se dire, tous les gestes qui ont pu avoir lieu, c'est très peu. C'est très peu, et pourtant, c'est avec ça que l'historien fait son travail. Il faut beaucoup d'imagination. On prend encore une... Non ? Ah oui, on peut, oui, c'est, on je ne suis pas sûre qu'il y en ait d'autres, en fait, c'est surtout ça. Le temps que le micro monte jusqu'à vous, vous avez évoqué Malraux avec la passion de l'infusoire qui vous caractérise. chers amis. Je voulais, sur cette question de la mémoire, vous rappeler que Malraux est précisément l'auteur des anti-mémoires. Peut-être la dernière question, oui. Si tout le monde est d'accord. Très bien. Oui, en vous entendant parler des anniversaires, ça me renvoyait aux différentes générations telles que peuvent les décrire les sociologues, le baby boomer, les X, les Y, maintenant les Z, et la diminution, j'ai l'impression, de ces générations qui peut-être de 20 ans passent à 15 ans, enfin, ont l'air de raccourcir. Et j'avais juste envie de vous entendre par rapport à ça, un lien entre des anniversaires qui sont mathématiquement quand même tous les ans, plus ou moins, et puis ces générations. Pardon ? Voilà, je pensais à ça. L'exactitude mathématique était un peu loin. Donc juste par rapport aux générations, qu'est-ce que ça peut vous évoquer ou j'aimerais vous entendre là-dessus. C'est un sujet immense. On fera une autre fabrique. Je vais faire un autre livre, etc. Accélération peut-être du sentiment d'appartenance générationnelle par accélération générale de tout. Et puis parce que nous sommes, du moins pour ce qui concerne le sol français métropolitain, disons, au fond à peu près orphelins de tout grand événement fondateur depuis mai 68. Ce qui n'est pas le cas du côté des pays de l'Est et de l'Allemagne où 89 va être marquant d'une génération. Et au fond, nous assistons à des brouillages générationnels car les marqueurs générationnels historiques qui rassemblent, qui donnent un sentiment de j'y étais, j'en ai fait partie, font peut-être défaut. Ça, c'est une première chose. Et puis, dernière remarque pour ma part, le grand défi de nos sociétés occidentales actuelles, c'est de faire coexister 4 à 5 générations, ce qui n'est jamais arrivé, me semble-t-il, à une telle échelle dans l'histoire, et ce qui ne caractérise qu'un petit quart des habitants de la planète. Les trois quarts sont constitués de sociétés dans lesquelles la moitié de la population a moins de 20 ans ou 25 ans. Donc là, ça pose la question des flux migratoires, de l'écologie, de la place du travail, enfin, et des questions immenses. Et pour finir sur cette coexistence de 4 à 5 générations, voici quelques temps, lors d'une causerie de cet ordre, enfin, moins bien, hein, quand même, il n'y a pas le théâtre, le public n'était pas de la même teneur et qualité. Un monsieur me dit, figurez-vous, mon petit-fils vient d'être grand-père. Oui, alors je n'ai qu'un exemple à vous citer, mais qui éclaire, je dirais, le début de ce processus. Saint-Louis a été le premier roi de France qui a connu son grand-père. C'était Philippe Auguste. C'est-à-dire qu'avant, la mortalité, finalement, faisait que... oui, enfin, c'est tout un ensemble de facteurs. Hein. Il faut évidemment pouvoir être né suffisamment tôt pour avoir connu son grand-père. Mais il faut aussi que le grand-père vive suffisamment longtemps. Voilà. Et donc, Saint-Louis est le premier. Voyez. Donc ça, du point de vue du renouvellement des générations, c'est un signe. Ce n'est pas une preuve, c'est un cas tout à fait exceptionnel, mais ça fait penser, voilà. Et je pense que la confrontation de ceci et de ce que vous venez de dire nous pose cette question. J'avais dit que c'était la dernière question, mais je crois... Oui, c'est ça. Et puis comme je pense que c'est peut-être une question aux comédiens... Non ? Bonjour, merci. Du coup, je me demandais, vous, en tant que spécialiste... Est-ce que vous avez sûrement développé un point de vue ? Est-ce que vous mettez en place des choses pour fêter votre anniversaire de naissance ? Plus les années passent, plus j'essaie d'oublier, vous voyez. Ouais, tout dépend des caps d'âge, 50, 55, ou des caps plus anodins, etc. Mais pour ma part, si j'ai travaillé sur l'anniversaire, il y a plein de raisons, mais... mon cheminement psychologique m'a amené à en élucider quelques-unes. Mais en tout cas, je lui accorde une importance pour les miens, ceux qui me sont chers. Oui. Peut-être juste avant de clore ce rendez-vous, vous dire que les ouvrages de Christian Hellon et de Jean-Claude Schmitt sont disponibles notamment à la librairie du Quai et qui est ouverte, là, apparemment, on vient de vérifier, on pense qu'elle est ouverte, jusqu'à 18h30. En tout cas, elle est ouverte généralement les soirs de spectacle. Et donc, il y a évidemment les deux principaux ouvrages dont on a parlé des deux intervenants, mais également une sélection de références bibliographiques autour de la question traitée aujourd'hui, que vous pouvez retrouver à la librairie du Quai. Et j'en profite également en termes de lecture pour compléter. Vous avez également au sein de la revue du Centre dramatique national qui s'appelle Divague, le numéro 3, une revue annuelle qui paraît en janvier, un dossier qui s'appelle Je hais les anniversaires, avec notamment un article rédigé par Christian Hellon. Et enfin, si vous voulez encore aller plus loin, donc je rappelle, pardon pour la pression tout à l'heure à la personne qui posait la question, qui est partie je crois, que les rendez-vous sont tous enregistrés et disponibles sur le site du Quai et donc réécoutables. Voilà, et je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Au revoir.